Vas-y tous pendant le générique. Et ben renifle. Mouche-toi. Je crois qu'il y a Charles, Pierre et François. Charles, tu prends quoi? Un cheeseburger? Ouais, une gaufre aussi. Une gaufre avec un cheeseburger? Ouais. Un biki, moi. C'est quoi ça? Ah, tu connais pas le biki? Non, non, non. Faut que tu viennes en Belgique. Ah, bah voilà, c'est un groupe qui nous vient de Belgique, qui s'appelle les Holy Hop Circus. Holy Hop Circus, il faut le dire plusieurs fois, ça va rentrer dans la tête. C'est Holy Hop Circus, ça vous est venu Holy Hop Circus. En 2015, je crois, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Holy Hop Circus, c'est comme le nom que ça indique, la musique sautillante. En français, tu le traduis par le cirque du houblon sacré. Ah, on avait un groupe comme ça. Ça te parle plus vite comme ça, ouais, en français. Ouais. Ouais. Donc c'est, oui, on s'est formé en 2015, il a fallu faire, comme tous les groupes, des soirées pour rechercher un nom. Donc on trouvait que le nom nous correspondait bien, étant donné les longues répètes du groupe, arrosées parfois, souvent. Oui, mais... Du jus de houblon. Ça, c'est du jus de houblon, la bouteille que vous avez amenée? Oui, voilà, on t'a ramené maison une bouteille, oui. Oui, maison. C'est toi? Non, c'est fabriqué par un ami à nous qui tient une brasserie qui s'appelle la Brasserie de la Rulle, qui est située à une trentaine de kilomètres d'où on répète. Donc vous répétez où, à Arlon? On est de Virton tous les trois, dans, dans le coin de Virton. Quoi. Je crois que c'est le premier groupe belge qu'on reçoit. Effectivement, on a eu Luxembourg, on n'a pas eu... On a une région de la France, je ne sais pas si vous connaissez, du côté de Troyes, Sedan. Ouais. C'est un peu loin, c'est des routes pas très fréquentables. C'est... Bah, non, mais c'est la nationale, c'est ça que je veux dire. Donc il y a des trous un petit peu dans la rue, dans la route. Ouais, ça, chez nous aussi, on connaît en Belgique. Il y a des taupes qui poussent sur le bitume, enfin je ne sais pas, il y a des trucs... Non, mais je dis ça, je serais ravi qu'on reçoive ce genre de groupe. Peut-être que ça ne passe pas là-bas, je ne sais pas. Je déconne. Alors, Holy Hop Circus, ça veut dire aussi que vous avez sorti, alors j'ai appris ça, un album, avant l'EP que vous on sortez. A, si tu veux, on a sorti notre premier album, donc si tu veux, on a des compositions exclusivement qu'on a faites depuis 2015. On a couché ça sur un disque qui est sorti en 2018. Au mois de juin, et on a réadapté les arrangements pour une sortie en France qui était en octobre cette année, enfin l'année dernière maintenant, parce qu'on est en 2020, bonne année. C'est ça, merci de bonne année. En 2019, on a sorti cet exemplaire-là pour pouvoir venir discuter avec vous en France, de l'autre côté de la frontière. C'est génial, ça va, il n'y a plus de frontières maintenant, il y a toujours des cigarettes Ouais, c'est compliqué. On est à Virton, tu vois où c'est? Bah, pas du tout. C'est vraiment les trois frontières, on appelle ça. Donc, tu as Longwy, le Luxembourg. On est vraiment dans cet axe, trois frontières. Par rapport à Arlon, c'est loin? Non, c'est à 20 minutes d'Arlon, une demi-heure. Ouais, c'est à 30 bornes. Donc voilà, on est vraiment sur l'axe frontalier Benelux. Il y a des titres, alors ça parle très très vite, c'est-à-dire que Hop Hop, là, qu'on écoutera dans quelques instants, c'est ça? Il y a Tétanos, c'est des mots un peu l'un derrière l'autre pour faire monter un peu la sauce, ou ça, il y a des messages quelque part? On n'est pas un groupe qui revendique des messages politiques ou précis, revendicateurs comme cela existe. Non, c'est plutôt c'est très varié en fait comme texte. C'est un petit peu ce qu'on vit. Ça aborde beaucoup entre autres. Ouais. Ça aborde plus des sujets de vie classique qu'un fond politisé ou quelque chose de plus fondamental. Ça reste des textes assez légers sur des expériences de vie qu'on peut avoir quand on vit notre vie purement et simplement. Tu parles bien, hein. Moi, je propose qu'on écoute. Hop, hop. C'est parti. Game. Up, up, up. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Talent d'ici a décidé de repousser les frontières jusque la Belgique, pas loin d'Arlon. Où ça exactement va-t-on ? On provient de Virton. Ah, Virton, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Oui, vous étiez déjà dans ce style de musique auparavant, chacun dans un groupe différent, ou comment ça s'est passé ? Vous connaissiez déjà ? Avec Charles, on était déjà dans un groupe qui s'appelait les Running Shoes à l'époque. Les Running Shoes, les chaussures qui roulent. Voilà, qui courent, ouais. Et on faisait aussi du rock'n'roll, du rock alternatif, on va dire. Comme quoi ? Ah, Charles. C'était dans les années 90. Bien près du micro. Voilà. un peu Pearl Jam. D'accord. Ouais. Donc pas tout à fait ce que vous jouez maintenant. Pas tout à fait, non. Et qui vous a influencé pour faire ce que vous faites maintenant ? C'est François ? Ou c'est quelqu'un d'autre ? C'est tous les trois, vous avez commencé à jouer ? Ouais, on a commencé à faire des buffs et puis c'est venu naturellement, quoi, le style de musique. Il n'y a pas vraiment de style défini. On a des influences qui partent un peu dans... dans le rock'n'roll, il y a un peu, enfin il y a des du blues, genre de blues, il y a du un peu de des riffs un peu reggae, enfin Dans mais pas vraiment dans un style bien défini, quoi. Dans l'album, c'est un peu ça, c'est un peu un mélange de tout ça. Il y a différentes influences, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Dr. Feelgood, on peut pas l'écouter, hein, Dr. Feelgood. Si, on peut écouter, parce qu'on n'entend pas Dr. Feelgood sur la radio, qu'elle soit associative ou nationale. Donc, autant l'écouter pour l'instant, ça donne pas. Donc ça, c'est le Dr. Feelgood. Est-ce qu'on peut enchaîner avec Rory Gallagher? Antoine, faut y aller, là. Rory Gallagher, est-ce que tu l'as? Oh là là, là, il prend un cotard et il remonte le potard, c'est génial. Donc ça, c'est ce que vous écoutez quand vous avez quelques minutes à vous, entre moi, le travail et... J'ai beaucoup écouté ça, en tout cas, que ce soit en l'occurrence Dr. Feelgood ou Gallagher, Vaughan aussi, bon, Hendrix, est-ce que c'est encore original de le préciser, mais ça a été, ça a quand même été des groupes que j'écoute beaucoup, moi, pour ma part. Donc ouais, en termes d'influence, tout ce qui est blues rock de ces années-là, années 70... Années 70, années 70. Ouais. Excusez-moi tout le monde. Ça c'est des musiques mais qui réchauffent, qui mettent un petit peu de baume au cœur quand on écoute Rory Gallagher. Je pensais aussi, alors il y a Hendrix, il y a un bouquin qui vient de sortir qui est épais très largement, où c'est les traductions de ses chansons. Ah, chouette. C'est assez génial. Ça se trouve dans le commerce. Vous tapez sur votre ordi. Alors là, dans ce qu'on a dans cet album, ces compositions, 10 titres, ça veut dire que là, pour l'instant, vous jouez sur scène cet album-là. C'est les titres qu'on joue en live, exclusivement ces 10 titres-là. Puis on a commencé à se roder aussi avec quelques petites reprises qu'on aime bien refaire de temps en temps, mais qui représentent une infime partie du spectacle, enfin du concert. Lesquelles? On va pas toutes les dévoiler. Je crois qu'on peut citer Woolly Bully ou Mojo Walking de Muddy Waters, ce genre d'accord. de choses. Ouais. Et voilà, ça fait partie effectivement des morceaux qu'on avait envie de faire au tout début. Bon, quand tu crées un projet, faut se roder. Donc au début, pour apprendre à se connaître et jouer ensemble, on avait justement évoqué des standards. Puis voilà, maintenant on vole de nos propres ailes et on fait nos morceaux, quoi. Est-ce que si je veux avoir le premier EP, le premier album, je peux l'acheter encore? Il y a possibilité? Bien sûr. Hollyhopcircus.com. Ouais. Tu as la boutique en ligne avec tout ce qui est merchandising, l'album. À noter aussi qu'on vient de sortir un vinyle qui a été en réédition, qui est sorti il y a 2 semaines maintenant. D'accord. Et donc ça aussi est disponible sur internet. Mm-hmm. Et puis tu as les plateformes streaming aussi où tous les titres sont disponibles. Je vous ai écouté sur Deezer. YouTube, il y a la chaîne YouTube, on a un clip qui s'appelle Police Station, notamment, qui a été fait à la sortie de l'album l'année 2018. Tu me parles de Police Station? Tu le veux, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. Police Station avec les Hollyhopcircus. Someone has just come back. Help, help, help. They call Holy Hop Circus Police Station dans un an d'ici. Talent d'ici avec David Ménard. Et vous aurez reconnu à la batterie Animal. Vous savez qui est Animal, Charles? C'est qui Animal? C'est le batteur des Mopet Show. Ah, tu peux pas le faire là, il y a pas de, il y a pas de caméra. Non, en radio, ça va être compliqué. Hein, ouais. Fais-le moi pour que je. Comme ça. Bon, imaginez le batteur du Mopet Show. Et là, t'as les deux petits vieux qui font « Mais ils sont complètement fêlés hein. !» quand je parle de l'Est de la France, ça vous parle. Ça veut dire que vous avez déjà fait des concerts dans la région, même plus loin que ça, Sedan, Troyes, le nord de la France. Vous êtes, non ? C'est le but du jeu. C'est d'accord. Maintenant, on aimerait vraiment pouvoir écarter un petit peu nos frontières. Et ce sera avec plaisir de pouvoir jouer ici, ici quoi. Ouais, on a la recherche de date, on va tout doucement travailler sur la prochaine saison, l'été, etc., pour trouver des dates. Mais vous avez une attachée de presse qui travaille pour vous, non ? Oui, oui, oui. On rappelle son prénom ? Ivana. Ivana, qui était venue, enfin en tout cas vous ne l'avez pas entendu, mais avec Louisville dans l'émission. On les embrasse. Bah oui, on les embrasse parce qu'on va les avertir que vous êtes passé déjà, c'est important. Santé Louis. Santé Louis. Votre public, vous le trouvez en transe dès les premières chansons ? Parce que moi, quand je vais à un concert et qu'au bout de 3 secondes, je bouge, enfin, quand c'était le cas, c'était gagné. Vous, c'est comment ? C'est tout de suite, ça part dans tous les sens ? On essaye, en tout cas, on essaye de tout faire en sorte que ce soit le cas. Ce qui était important, en tout cas pour nous, je pense, vous m'arrêtez les gars si je dis des conneries, c'était l'approche de faire un power trio, ce concept de jouer à trois, tu vois, une guitare, une basse, une batterie, ça va tout de suite à l'essentiel, donc t'as pas vraiment le droit de tricher dans le sens... il faut être direct et cash. Et bon, vu que ça reste quand même une musique assez rock'n'roll, donc le but, c'est de s'éclater à fond et de le vivre sur scène pour le transmettre au public. Donc j'espère que les gens arrivent à capter cette énergie qu'on essaye de dégager. On peut dire qu'on mise beaucoup sur l'énergie en concert. Donc en général, les gens le ressentent. C'est pour ça que vous arrivez avec les flics dans le dos. Ça, c'est dans le titre de Power Station. Non, de Power. C'est un groupe qui s'appelait Power Station. De Police Station, c'est ça ? Oui. C'est le clip. Donc, en fait, vous jouez les gendarmes et les voleurs. Ouais, tu peux le voir comme ça. Il y a plusieurs interprétations possibles au clip. L'idée, à la base, c'était de dire... en fait, on est parti... Enfin, le morceau Police Station, en fait, c'est un petit clin d'œil. On a joué un concert il y a quelques années. Enfin, 2 ans, je dirais. On n'est pas si vieux que ça. Et en fait, on avait eu... C'était dans un café-concert en Belgique et les voisins sont pleins du volume sonore. Et donc, on a eu la marée chaussée qui est venue pendant le concert demander de mettre moins fort. Et on a continué notre concert. Les gens aimaient bien et voilà, c'était. Ils sont partis la marée chaussée ou ils sont revenus une deuxième fois, mais ils étaient assez cool. Ils étaient compréhensifs sur la situation, mais bon, ils étaient obligés de venir parce qu'il fallait venir. Apparemment, c'était quand même trop fort. Et donc, on a tous les trois rigolé sur cette idée-là et on a fait un morceau pour un peu faire un clin d'œil à cette situation cocasse. Et donc, dans le clip, on joue les flics en fait. Et voilà, on arrête. Mais qui joue votre rôle parce que si vous êtes les flics, ceux qui ont les mains dans le dos, c'est qui alors ? C'est les musiciens. Vas-y Pierre. On est trois, mais à un moment donné, on vient chercher des musiciens qui jouent dans un local de répète où il y a beaucoup de bruit. Et du coup, on retrouve Charles qui n'était pas encore, qui faisait pas encore partie du groupe à l'époque, mais qui fait partie de nos potes. Donc le clip a été tourné avec les moyens du bord, avec tous des amis, dans des lieux qu'on connaît, enfin tu vois. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a commencé à tourner dans notre village avec une fausse camionnette de flics maquillés, avec nous trois habillés en flics. Et au bout d'un quart d'heure, on a vraiment eu la marée chaussée qui est venue nous trouver pour voir ce qui se passait, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient appelé à la gendarmerie pour dire il y a des mecs qui se trimballent, il y a des faux flics qui se trimballent, tu vois. Ouais, j'avais un pote pour la petite histoire qui bosse dans le bâtiment, j'avais demandé sa camionnette blanche, et puis j'ai un autre pote qui était imprimeur, qui est toujours imprimeur, qui a imprimé en gros police sur un sticker, ce qu'on a collé sur le bazar. Puis on avait trouvé des vieux gyros bleus à l'M-Cigar et on se baladait comme ça en ville, donc forcément on n'a pas fait long feu. Mais on les salue parce qu'ils ont été assez. Ils ont été cool. Assez cool pour le coup. C'est pour répondre à la question, dans l'histoire du clip, on voit les flics qui piquent des instruments dans le local de répétition, et à la fin, c'est des flics qui font un concert, et c'est nous qui nous retrouvons sur scène. Quoi. D'accord. Voilà. Merci pour l'explication. Il y a deux clips, le deuxième c'est quoi? C'est un extrait de concert, c'est quoi? Oui, on peut estimer ça comme une after movie de la release partie de l'album qu'on avait fait à l'Entrepôt Arlon, qui est une super salle de concert dans la région. Que tu connais? Que je connais bien, oui. Et voilà, on avait tourné des images pour avoir des souvenirs de cette soirée-là qu'on avait monté sur le morceau Hop Hop. Et on en est très, très content. Une question avant, parce que je crois qu'on va passer au live. Non, encore un troisième titre. Une question, je suis presque sûr que vous avez tous des vies bien rangées. Tu as des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Tu es marié? Oui. Une maîtresse? Oui. D'accord. Charles? Pareil, ouais, j'ai deux enfants, deux adolescents. Il est discret sur le reste de sa vie. Et François? Moi, j'ai pas d'enfants. Pas de femme? J'ai pas d'adolescents. J'ai une femme. Et un chien? Un chien depuis un an, ouais. Il s'appelle Maddy. Maddy? Maddy, comme Maddy Waters? Ouais, exactement. C'est original, non? Ouais, c'est bien. Ouais. C'est un Golden Retriever. Ouais. Je sais pas, je vois pas très bien. Golden Retriever. C'est un bon nom de groupe, ça, Golden Retriever. Ouais, ouais, c'est un bon titre. Et en tout cas, il aime bien la musique. T'as si des chats? Non, pas le chat. Pas mon truc. Ouais, c'est peut-être le truc de ta femme. Ouais. T'es peut-être t'écoutes ta femme de temps en temps. Il faut bien. Tu veux en parler? Il faut bien. On peut si tu veux. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Tu fais numéro de la femme de François. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Troisième titre. Alors, est-ce que je l'ai, moi, le troisième titre? Je crois que je. Un titre. C'est bien parce que c'est très facile pour moi en ce moment, les titres sur cet album. Hop Hop, Police Station. Et le titre que vous écoutez dans Talent d'ici de Holy Hop. Holy Hop Circus, je vais y arriver. J'étais parti sur Holy Hop Station. Le prochain titre d'Holy Hop Circus s'appelle Alone. Illusion will be gone. talents d'ici avec les radios associatives de Lorraine. Elles sont marquées sur l'affiche, sur le logo de la page Talents d'ici, les radios associatives de Lorraine. Merci à elles de diffuser. Talents d'ici, Charles, tu me refais animal, s'il te plaît. Cher François, oui. Il faut combien de temps pour récupérer d'un show comme ça? Ça dépend si on joue le lendemain ou pas. Si vous jouez le lendemain. Je suis encore dedans, donc je ne récupère pas. C'est... D'accord, et si tu joues pas le lendemain? Ce qui veut dire, c'est qu'il y a l'after aussi. Si on joue le lendemain, l'after va être tranquille. Si on ne joue pas le lendemain, l'after va être longue. Ah, donc tu es quand même raisonnable. Oui, c'est un point de vue, oui. On essaye, en tout cas. Ouais. Gamin. Monsieur. Tiens, donne-moi les quelques dates, même si on ne connaît pas forcément les villes, c'est où, c'est en Belgique? Donc, ouais, on a déjà quelques dates de programmer, notamment le 4 avril à Meix devant Virton, le 30 mai à Festival L'Insolite à Arlon, on sera le 23 mai au Festival du Métranque à Arlon de nouveau, et on sera dans un festival le 28 juin qui s'appelle le Game of Tournai, qui est un festival près de Neuchâteau. Alors, François, il a une attitude, il se gratte en se massant le pectoral. Ouais, je sais pas, je suis tout fou aujourd'hui. C'est pas, tu me regardes pas. Non. Puisque vous êtes travaillé, il y en a deux sur trois qui travaillent à l'entrepôt. Rappelle-moi ton prénom, je suis désolé. Pierre. Pierre, c'est quoi le concert que tu as vu à l'entrepôt qui t'a plu? Alors, moi, je travaille pas à l'entrepôt. Ah, pardon, tu es régisseur. Bah, en tant que régisseur. Je travaille à la Maison de la Culture à Arlon. Ouais. Même si c'est ailleurs, hein, les concerts. Je parle pas spécialement de la Maison de la Culture, mais qu'elle l'a retournée complètement. Nous, à la Maison de la Culture, on fait tout, il n'y a pas que de la musique. Toi, ce que tu as vu dans ta vie? Alors, j'ai vu Robert Cray il y a très très longtemps à Bruxelles, l'ancienne Belgique, et ça m'avait un bon show à l'américaine, bien bonne musique et bon musicien, ça m'avait frappé à l'époque. Ouais. D'accord. François? Moi, j'aurais rêvé pouvoir avoir mon âge dans les années. J'aurais voulu voir des groupes que beaucoup de groupes que j'écoute ne sont plus. Mais j'ai beaucoup écouté Led Zepp, j'ai beaucoup écouté Hendrix, ce genre de trucs. Ouais. Mais ouais, j'ai vu des concerts qui m'ont marqué. Ouais, j'en ai certainement vu. Quand j'étais gamin, un de mes premiers concerts, c'est un autre registre, c'était Aerosmith. Ah ouais, quand j'étais gamin, c'était Aerosmith. C'était... Ouais, c'était avant-hier, hein, vu que j'ai n'ai que 26 ans. Bah oui. Mais ça m'avait bien tu marqué. Tu fais plus, hein. Et c'est la barbe, je pense. Mais ouais, je les ai vus deux fois, et à l'époque, quand t'as 12 ans, j'en avais pris plein la tronche. C'est lui qui a une superbe fille, Liv Tyler. Je pense qu'il en a deux ou trois. Ouais, mais c'est la plus connue. Ouais, l'actrice ou mannequin, je ne sais pas. Les deux. Elle a joué dans Armageddon, je crois. Et toi Alors moi, mon dernier coup de cœur, c'est un groupe, c'est une fanfare, un groupe allemand qui s'appelle Meute. Et ils reprennent des standards de musique électronique qu'ils adaptent pour les trompettes et les percussions. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je te conseille le film Les Virtuoses. Oui, je connais, ouais, voilà. Tout à fait. Allez vous installer, hein. c'est le moment d'y aller, pour le live tous les trois. Et puis... Mais on va faire ça. Hein, bah, attends, problème, hein, ça, allez attends. Une fois. C'est pour ça que je parlais de gamin hein, tout à l'heure, c'est important. moi, ce que je propose, c'est que vous jouiez les deux premiers titres qui s'appellent... On va jouer Say Yeah. Say Yeah. Et ça vous dit quoi les gars? Bad Trip ou quoi? Bad Trip. Oui. Allez, Bad Trip. C'est yeah. Bad Trip avec les Holy Hop Circus dans le talent d'ici. On y va, c'est live. La scène musicale bouge dans le Grand Est avec talent d'ici. The belly, even the head upside down, I can see inside. With every touch, every prison's hungry dough, the truth blows out with it. If I feel no longer high, so money, does it go for you? Go hide away. I say, yeah, I say, yo, I say, yeah. Warm my shoes at yelling. I'm turning hardy of work. 50 in the same factory. You don't know, motherfucker. I fight the boys, I shoot you to keep the best bit, rubber ever. Always a win, number with the case. Baby, buddy, I hope, hey, I say yeah. I say yo. I say yeah. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. leave me alone. Bad trip, bad trip. It's a bad trip. This rounds to me. Bad trip, bad trip. In my grip. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Charles ? Batterie ? Vous venez d'écouter le Muppet Show. Merci Charles, tu ne seras pas venu pour rien. On vient d'écouter quoi ? Les deux premiers titres, on les rappelle, il y avait... Seyyed et Bat-Trip. D'accord. Ouais. Ça a été ? Bah, oui, c'est impeccable. C'est chouette. Bah ouais. Le public était nombreux, donc il y a eu des cool. Applaudissements, vous ne les avez pas entendus, mais ils étaient là. Je voudrais juste dire que dans les vidéos, quand il y en aura sur la page Talent d'ici, vous verrez le superbe calico. C'est quoi ? Gaume ? La Gaume. C'est quoi la Gaume ? Ah, Pierre. C'est Pierre. C'est notre région, on habite en Gaume. Alors c'est quoi ? Vous habitez c'est l'extrême sud de la Belgique. Gaume, ouais. L'extrême sud c'est de la Provence belge, un petit peu. Ouais. C'est le Front National de la Belgique. Le quoi ? Je connais pas. Parce que l'extrême sud de la France, c'est le Front National. Ouais. Ouais. Ouais. Ou c'est plutôt le nord. Ah oui, les... Les nationalistes. C'est quoi, c'est les Flamands ouais. C'est ce que chantait Brel, les Flamingants. Exactement. Où il leur dit des horreurs. C'est bien, parce qu'il a bien... Ouais. leur a bien envoyé dans la gueule, quand même. Donc ça, c'était les deux titres qu'on a écoutés. Vous lirez ajouter quelque chose, je crois, sur la façon dont ça a été enregistré. Oui, bien sûr. En fait, pour information, le disque qui est disponible sur notre site oliopcircus.com, le vinyle ouais. et l'album en version CD, a été enregistré à Liège, dans un studio qui s'appelle le Chenet Palace. C'est à Chenet, en fait, plus exactement. Et on trouvait intéressant de souligner le fait qu'il a été enregistré dans des conditions live, c'est-à-dire qu'on a joué tous ensemble les prises avec les amplis en même temps, etc. Mmh. Donc, vraiment dans des conditions de live pour retranscrire l'énergie justement dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Essayer de retranscrire l'énergie d'un groupe qui a trois, un power trio sur scène. Quoi. Donc, et avec un bon accent anglais. Bien sûr, toujours. Toujours. On va s'écouter. C'est bon là, on peut enchaîner. Même quand je lui demande pas, il le fait. Tu as fait ça, tu as des enfants ? Oui. J'ai deux adolescents. Quand ils étaient petits, tu le faisais pas ? Sûrement. Ouais. Tu les as traumatisés ? Ça fait longtemps. Hein ? Oh, je pense pas, non. Voilà. Allez, vous installez les. Encore quoi ? Trois titres ? Deux titres, lesquels qui, François ? Deux titres, on va vous jouer Phil Phil et Hop Hop. Ça va les titres, vous foulez pour les titres. Merci, c'est un truc... Phil Phil, ça veut dire quoi ? Sans sentir. Sentir. Non, c'est ce que tu le sens, le piment dans la sauce. C'est le côté Jean-Pierre Coff du groupe, en fait. Il s'appelle les Hollyhop Circus, dans Talent d'ici, et ça se mange sans modération. Merci. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Nothing changed, yeah. Waiting up in your face, so what the situation? Oh, baby, I know. Baby, faster, I'm shivering. Baby, faster, I'm going crazy. Baby, if I try to come to you. You gotta feel now. would like to scream when you pull up the whip. Talents d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Use on the sidewalk. Open your ears, look at your face. Yes, please believe we are always in the race. Come on, man. Sexually, on your guess, I'm sure you'll be happy. On your chicken gloves, and you will get swept. But the thing will be hot. Hey, hey, holy God. David Ménard. Et avec Holy Hop Circus, alors elle est magnifique l'affiche. Pour, qui est le lion sur l'affiche? C'est moi. C'est toi? C'est le bassiste. D'accord. Oui. C'est, ah oui, c'est le bassiste, c'est une contrebasse. Qui est le cheval? C'est moi. C'est vrai? Ouais. Très bien. Et qui est l'éléphant? Eh bien, c'est moi. Tu es sûr de ça? Oui. Tu sais que c'est défendu maintenant les animaux au cirque, en France? Mais c'est des peluches. Ah pardon. Qui c'est qui a fait cette superbe affiche magnifique? Elle est aussi belle que votre musique. C'est notre pote GGN qui était le premier batteur du groupe qui avait conçu le logo. On avait eu l'idée ensemble de reproduire un petit peu quelque chose de rigolo, enfin qui nous correspondait dans l'histoire que voulait dire le groupe, et on trouvait rigolo d'intégrer des instruments de musique sur des personnages fictifs et de se les approprier, voilà. Et qu'est-ce, pourquoi vous l'avez viré, Gégène? Gégène, tu rigoles, s'il nous entend, on l'embrasse. Tu pues des pieds. Et toi, tu ne pues pas des pieds, c'est pour ça que... Non, jamais. Yeah. Et ben, ça veut dire que c'est la fin, ça. Ouais. Ah, malheureusement. C'est déjà la fin. Oh, ouais, ça va vite, ça. On a fait 2 heures de route et puis il faut déjà rentrer. Il faut déjà rentrer, il est tard, hein, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Ça, c'est du Brel. C'est pour vous dire, monsieur, que c'est ces gens-là. C'est ces gens-là. J'ai pas bu d'alcool, moi. Hein? Moi non plus. L'alcool, l'horreur infinie. Oui. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. L'album est sorti. L'album est sorti en. Il s'appelle comment? Holy Hop Circus, c'est le nom du projet. Éponyme, d'accord. Et il est sorti il y a un an. D'accord. Et donc voilà, on est content d'avoir pu en parler. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Il y a des dates de concert, mais c'est plutôt en Belgique. C'est sur la page Facebook. Vous avez tout. On a une page Facebook. Vous pouvez venir voir la page YouTube, la page Facebook, le site internet, donc holyhopcircus.com. Mm-hmm. Il y a toutes les infos, les dates, les clips, les photos, le merchandising, la totale. Mm-hmm. Et on vous invite à venir manger une frite, boire une bière en Belgique et écouter du rock'n'roll avec nous. Et merci pour l'accueil. Voilà. Eh ben écoute, si un jour ça marche pour tous les trois, vous partez faire de la musique tous les trois sur les plaisir, routes. On va. Carrément. Bien sûr. Ouais. On prendra Gégène. Bien sûr, bah oui. On aura la camionnette avec nous. On va faire la fête. Merci à vous, les Holy Hop Circus. Merci David. Merci à vous. C'était bien dynamique et à la prochaine. Bientôt. Ciao. Ciao. You can go to this, you can go there.